Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui La Veste, quatrième épisode, Race Campagne, Sortie de route. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par François Perrache, réalisée par Cédric Ossire. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la fiction, quatrième épisode donc de notre feuilleton intitulé La Veste. Nous allons ensemble parcourir à nouveau cette année d'élection présidentielle en suivant l'épopée de François Fillon dans ce scrutin dont on disait qu'il ne pouvait pas le perdre. Jusqu'à l'affaire du Penelope Gate, où l'on s'est dit que ce scrutin, finalement, il ne pouvait plus le gagner. Cette élection et le séisme politique qu'elle a provoqué dans les partis traditionnels, nous allons la suivre de l'intérieur, à travers un groupe de parlementaires élus au permanent des Républicains. Il se trouve que le parti a mandaté une agence de conseil et communication pour animer les groupes de parole, permettant de surmonter le traumatisme de la défaite de François Fillon. Nous suivons ici, dans ce séminaire, aux confins de l'Île-de-France, l'un de ces groupes, animé par Éléonore et son assistant Enguerrand. Dans ce quatrième épisode, le dernier de la série, la fiction recouvre la période qui va du meeting du Trocadéro le 5 mars 2017 à la défaite lors du premier tour le 23 avril de la même année. Dans ce séminaire, le groupe de stagiaires tente de comprendre la dimension collective de la défaite. Les derniers rebondissements de la campagne, les révélations du JDD, le journal du dimanche, qui met en une les 48 000 euros de costumes offerts par Robert Bourgis à François Fillon, qui réagit par son devenu fameux « Et alors ?». Pour nous éclairer sur cette quatrième et dernière étape, nous recevons les deux personnes à qui nous devons l'ensemble de la série, Cédric Ossire, le réalisateur, et François Perrache, le scénariste et acteur. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. La Veste, un feuilleton de François Fillon, François Perrache. Réalisation, Cédric Ossire. François Fillon, beaucoup de Français s'interrogent sur votre rapport à la vérité. Ils s'interrogent sur mon rapport à la vérité parce que ça fait 2 mois et demi que l'ensemble du système médiatique, politique, me tape dessus. La vérité, elle éclatera. Ça fait 2 mois et demi qu'on m'empêche de faire ma campagne. Et j'ai toutes les indications qui me permettront le moment venu de poursuivre ceux qui ont fait ça. L'honnêteté et la franchise de dire bah oui, j'aime le sport automobile, j'en fais. Et y compris quand il était Premier ministre, il en a fait. Et il a bien raison de ne pas contraindre sa personnalité, ses affections et ses passions. Épisode 4. Race campagne. Sortie de route. Bon, on bouffera en route. Tu veux que je te prenne un sandwich? Encore? Camembert, s'il te plaît. Et un Coca Zéro. Camembert Coca? Zéro. T'as trouvé les bouquins que je t'ai demandé? Ben, je suis sur le coup, là, justement. On passera les prendre en partant. Ok. Bon, je fais un saut à la boulange et on y va. Camembert Coca. Non, mais zéro, s'il te plaît. Coca Zéro. Oui, oui, bonjour, madame. Je suis à la recherche d'un livre de sociologie de Christian Morel qui s'intitule Les décisions absurdes. Donc, est-ce que peut-être, avant de passer au point suivant, l'un d'entre vous veut ajouter quelque chose sur cette dimension collective de l'échec de François Fillon? Oui, moi je veux bien. Vas-y, Frida. Alors, Éléonore, tu as parlé à un moment donné de la mécanique qui peut amener une organisation à prendre collectivement une mauvaise décision, en l'occurrence dans notre cas, celle de maintenir la candidature de Fillon, alors que tout le monde sentait que c'était assez mal engagé avec les affaires. On allait carrément dans le mur, tu veux dire? Oui, mais moi, en fait, je vois pas bien en quoi ce processus collectif dont tu parles s'applique à nous, au Parti Les Républicains, pour cette campagne. Dans la mesure où notre candidat, à un moment donné, il a tout décidé tout seul. Ouais, et d'autant que Fillon a vachement joué sur son image de pilote automobile. Celui qui garde les commandes. Alors moi, je veux bien prendre ma part de responsabilité, mais... Bon, oui, chez Fillon, l'aspect individuel a été très fort, mais le processus de sélection, puis d'échec, il a été collectif. Le collectif a été pris dans un mouvement de folie, de frénésie, comme on disait au XIXe siècle. À un moment donné, comme tu dis, il aurait fallu que l'entourage dise à François Fillon, c'est terminé, on reprend les commandes. Mais on ne pouvait pas, Léonore. Moi, j'interprète pas. C'est ce qui ressort de nos discussions d'aujourd'hui. Votre perception des choses, c'est que l'entourage n'a pas réagi. En tout cas, pas assez fort et surtout pas assez tôt. On a essayé de lui parler à Fillon. Mais tu fais pas boire un âne qui a pas soif. Il nous a entraînés dans le mur, mais c'est bien lui qui tenait le volant. Le problème de cette analyse, c'est que le modèle du pilote automobile renvoie à un comportement individuel. Or, vous, vous seriez plutôt dans le modèle du commandant de bord sur un avion de ligne. Tu penses au film Y a-t-il un pilote dans l'avion, là ? Nous, ce serait plutôt un remake des Survivants. Tu connais pas ? Bah, c'est un film inspiré d'une histoire vraie où un avion s'écrase dans la cordillère des Andes. Ils finissent par se bouffer entre eux. J'avais plutôt en tête le livre d'un sociologue qui s'appelle Christian Morel, qui part d'un constat surprenant dans le transport aérien. Il constate qu'il y a plus d'accidents d'avion quand c'est le commandant de bord qui pilote que quand c'est le copilote qui a les manettes. Étonnant, non ? Contre-intuitif. Et à votre avis ? À votre avis, ça s'explique comment, ce phénomène ? Ben, comme partout, hein. Les chefs sont nuls et c'est les employés qui savent faire le boulot. Oui, ok. Merci Evelyne, merci beaucoup. Autre explication peut-être ? C'est pas que le pilote est moins bon que le copilote, je pense. L'expérience, ça compte quand même. Mais bon, quand le chef décide, le sous-chef ferme sa gueule. Exactement. Quand le pilote se trompe, le copilote n'ose pas le lui dire. En management, c'est ce qu'on appelle le gradient d'autorité. La priorité chez Air France, aujourd'hui, elle est plutôt de réduire l'autorité du commandant de bord et pas de la renforcer. Et sans doute que les partis politiques auraient intérêt à s'inspirer de ce modèle. Nous, avec Wauquiez, réduire le gradient d'autorité, c'est pas gagné. Il a inventé le stalinisme de droite. Si t'as personne qui tient le manche, tu te plantes aussi. Certes, il faut un chef. Mais pour une organisation, éviter les mauvaises décisions, ça passe par la collégialité. Il faut que les collaborateurs puissent dire au patron « tu te trompes ». Et que le patron accepte de reconnaître qu'il se trompe. Fillon, il avait gagné la primaire. Et puis il tenait les cordons de la bourse. Il faisait ce qu'il voulait, il était persuadé que c'était son moment. Il a pris en otage toute la droite. Dans votre cas, je crois qu'il faudrait faire, comme dans toutes les bonnes organisations, un vrai retour d'expérience. Et si on fait un retour d'expérience sur ce qu'on pourrait appeler le « crash Fillon », le modèle du pilote de ligne et surtout les procédures de régulation qui vont avec peuvent être riches d'enseignements. Mais un peu tard. C'est plutôt un légiste qu'il nous faut. Et en 2022, on aura tout oublié et on recommencera les conneries. Mais c'est jamais trop tard. Et c'est aussi à ça que servent ces séminaires. Et il y a une autre profession qui aurait pu être inspirante pour François Fillon, c'est les guides de haute montagne, à qui la première chose qu'on apprend, c'est à renoncer quand l'orage arrive. Même s'ils sont tout près du sommet de la montagne. Même s'ils ont déjà fait des efforts énormes pour arriver jusque-là. Oui, le problème qu'on a eu, c'est qu'il n'y a pas de montagne dans la Sarthe. C'est ce que les militaires appellent la destinationnite. Ou parfois la fascination de la cible chez les pilotes de chasse, qui consiste à ne plus pouvoir décrocher d'un objectif à mesure qu'on s'en rapproche. On pourrait en parler encore des heures et le temps file donc. Est-ce que peut-être, avant de passer au point suivant, l'un d'entre vous veut ajouter quelque chose sur cette dimension collective de l'échec de François Fillon ? Oui, moi je veux bien. Vas-y. Bon, malheureusement, il nous reste très peu de temps pour aborder un dernier temps fort de la campagne. La semaine dernière, sur le plan chronologique, on s'est arrêté au 4 mars 2017. Le jour de l'anniversaire de François Fillon. Et aujourd'hui, il faut qu'on revienne sur la très importante journée du lendemain, le 5 mars 2017. Le meeting du Trocadéro. Je m'en souviens bien. Quel stress. J'ai jamais travaillé dans des conditions aussi amateurs. Non, ne me dis pas... Si ? Oh, je peux bien le dire maintenant. C'est moi aussi qui ai donné un coup de main pour le Trocadéro. En fait, je suis adhérente à Sens Commun. Ah ben d'accord. On a le droit d'avoir ses convictions crottes à la fin. Je suis la seule à y être allée à ce meeting. Vous y êtes allée aussi ? Oui, j'y étais au Trocadéro. Sans conviction, hein, mais j'y étais. On avait besoin d'images pour le site web. Non, moi aussi, j'y suis allée, mais par curiosité. Et moi aussi, on est venu à 5 bus de Marseille. C'est le QG de Fillon qui a payé. Je m'en souviens, on s'est pris une saucée pas possible. On se serait cru un meeting de François Hollande. Non mais je rêve. Vous y étiez tous en fait. Ben, c'était notre candidat quand même. Fallait le soutenir malgré tout. Et toi, t'étais où ce jour-là ? Devant ma télé. Je suis député, moi, je suis connu. Je pouvais pas assister à un meeting de Fillon, surtout celui-là. Pardon Laurent, mais t'es connu dans ta circonscription, et encore. Mais je pouvais pas m'afficher aux côtés de Fillon. Je soutenais Juppé. Il n'avait pas encore officiellement renoncé. Enfin, t'étais un soutien de Juppé de la 25e heure, parce que j'ai retrouvé des vieux tweets juste après la primaire. Quel vieux tweet? Bah notamment celui que t'as supprimé de ton compte et où tu félicitais chaleureusement Fillon pour sa victoire. Pas de bol, j'ai retrouvé celui-là. Bon, c'est bien, c'est très bien. Enfin, je veux dire, c'est très bien que vous ayez cette expérience commune du meeting du Trocadéro et c'est très bien que Marido puisse nous raconter un peu comment ça s'est passé de l'intérieur. Tu as aidé à l'organisation, c'est ça, Marido? Oui. J'étais pas toute seule, heureusement. On a monté ça en 4 jours. Une folie. Il y avait toute l'équipe de Fillon, bien sûr, et toute celle de Sens Commun qui était très structurée et qui a aidé beaucoup. Le staff de Fillon voulait organiser un grand rassemblement pour montrer que, malgré les affaires, il avait toute la droite derrière lui. Un plébiscite de la rue façon De Gaulle. Le peuple contre les élites médiatiques. Et pourquoi pas? Le problème, c'est que le peuple de droite s'était un peu dispersé après les affaires. Officiellement, on espérait 200 000 personnes, mais on savait qu'on serait plus proche des 50 000. Et encore, en affrétant des bus et des trains de toutes les fédés. Ça leur a coûté une fortune. Mais à ce stade, ils ne regardaient plus trop la dépense. J'avais carte blanche. Pour ce meeting du 5 mars, Stefanini avait d'abord pensé à la place de la Concorde où Nicolas Sarkozy avait fêté sa victoire, mais c'était beaucoup trop grand pour nous. Et la préfecture nous a refusé les Invalides. On s'est rabattu sur le Trocadéro. Ah, au moins dans le 16e, on est chez nous. Et surtout la droite filloniste. Ils étaient sûrs de remplir grâce aux voisins. Sens Commun nous a ramené beaucoup de monde aussi, mais paradoxalement, c'est eux qui ont précipité la chute de notre candidat. On n'était pas d'accord sur la stratégie. À force de vouloir contraindre Fillon à s'affirmer au sein de la droite, les patrons de Sens Commun ont fait publier un communiqué sur le site de Valeurs Actuelles, appelant à venir protester au Trocadéro contre ce qu'ils appelaient le coup d'État des juges. Voilà, ben ça a mis le feu aux poudres. La plupart des derniers soutiens ont lâché Fillon. NKM, Bertrand, Copé, même Pécresse. Ils ont tous annoncé qu'ils ne viendraient pas au Trocadéro. Les autres, ils nous avaient lâchés avant. C'était incroyable, du jamais vu. À un mois du premier tour, Fillon s'est retrouvé sans directeur de campagne, sans porte-parole et presque sans soutien ou des troisièmes couteaux. À part François Baroin. Et encore lui, il est venu sur un malentendu. Un malentendu? Bon, d'après ce que je sais, le jour du Trocadéro, Baroin était encore persuadé que pour Fillon, ce serait le champ du cygne et qu'il renoncerait au profit de Juppé dans la foulée. En plus, Baroin et Fillon avaient des liens personnels. La fille de Baroin avait fait un stage dans le cabinet d'avocat où travaillait Fillon. Bref, quand le soir du Troca, Baroin est rentré chez lui complètement trempé, il a été tout surpris de recevoir un appel de Fillon qui lui proposait un ticket pour Matignon. Pauvre Baroin, il s'est complètement fait balader. Enfin, il avait peur d'être piégé, d'autant que Fillon allait donner une interview sur TF1 le soir même. Baroin a réussi à convaincre Fillon de ne pas prononcer son nom à la télé, in extremis. Fillon a juste confirmé sa candidature. Le lendemain, Juppé a annoncé qu'il renonçait définitivement. Je m'en souviens, c'était terrible. On peut l'écouter à la déclaration de Juppé si vous voulez. Le meilleur d'entre nous. C'était tellement triste sa déclaration. 2017, quel jeu de massacre. Encore une statue de commandeur déboulonné. Je ne suis donc pas en mesure aujourd'hui de réaliser le nécessaire rassemblement autour d'un projet fédérateur et c'est pourquoi je confirme, une bonne fois pour toutes, que je ne serai pas candidat à la présidence de la République. Et le discours? Le discours du Trocadéro, tu sais qui l'a écrit? On a dit que ce serait François Sureau, c'est vrai? Il a nié, c'est tout ce que je sais. Ce qui est sûr, c'est que le discours a probablement été écrit très vite parce que j'ai retrouvé un montage sur Internet où des journalistes se sont amusés à comparer le discours du Trocadéro et le discours de politique générale du même Fillon 10 ans plus tôt, en 2007. Et ça, c'est assez drôle. Il y a des passages entiers qui sont copiés-collés. Vous êtes la République! Puis, il y a la République. Elle fait de chacun d'entre nous le compagnon de l'autre. La République, elle n'est que mouvement. Si elle tombe, elle se relève. Telle Gavroche sur sa barricade. Elle se relève toujours. Et c'est la faute à Voltaire. Et c'est la faute à Rousseau. C'est aussi pour nous la faute à Victor Hugo, à Clémenceau, à Gambetta, à De Gaulle et aux héros de 20 ans de la Résistance. Vivre! Ce n'est pas se résigner, écrivait Camus. Sans cesse dans son histoire, la France a cru au mouvement. Elle n'a jamais fait bon ménage avec le statu quo et les arrangements à la petite semaine. Ce que le général de Gaulle qualifiait en son temps de petite soupe sur son petit feu dans sa petite main. À la décharge de l'équipe Fillon, c'était difficile de se renouveler à ce moment de la campagne. Tout le monde était épuisé, Fillon était en roue libre. Je crois qu'il avait définitivement perdu sa lucidité. Dans les jours qui ont suivi, il disait partout que le Trocadéro l'avait relancé, que c'était le vrai sursaut. Le sursaut ? Le sursis, au mieux. Oui, sursis de courte durée. On a continué à enchaîner les catastrophes. Après le Trocadéro, pour moi, pour tous les militants, le cœur y était plus. On a attendu que ça passe en faisant plus ou moins semblant d'y croire. Chaque jour ou presque une nouvelle affaire, ou un rebondissement judiciaire, ou une polémique médiatique. Fillon était mort, et il était forcé de vivre encore 40 jours de campagne. Un vrai supplice chinois. Oui, c'est dur d'accepter la défaite. Comme un travail de deuil. Un deuil qu'il faut faire du vivant de la personne. Le 23 avril 2017, on a enterré Fillon vivant. Ouais. En glissant mon bulletin dans l'urne, j'ai eu l'impression de jeter une pelletée de terre sur un cercueil. Bon, Enguerrand, je crois que c'est le moment de proposer tes exercices à nos amis. Pour finir sur une note optimiste, ces quatre après-midi de séminaire. Enguerrand m'a fait deux petites propositions ce matin sur la route. Tu veux bien leur expliquer ? Oui, avec plaisir. En discutant avec Éléonore, en fait, on se rappelait que séminaire, hein, le mot séminaire, vient du latin seminare, hein, qui veut dire planter. Séminaire, c'est la même étymologie que semence. Donc on est là pour planter des graines. Ce qu'on voudrait, c'est que ces quatre après-midi qu'on a passés ensemble soient l'occasion de revenir sur le passé, bien sûr, mais surtout de se projeter, de penser à l'avenir, comme lorsqu'on plante un arbre ou une fleur. Alors, notre proposition, c'est de vous donner à chacun un petit papier sur lequel vous allez pouvoir noter la chose qui vous a le plus traumatisé pendant cette campagne présidentielle. L'événement le plus difficile pour vous à digérer. Le moment tellement dur que vous n'avez même pas réussi à le partager avec le groupe. Et ces petits papiers, vous me les confierez et j'irai les enterrer dans le parc. Et après ça, on finira tous ensemble par un petit exercice cathartique inspiré par François Fillon lui-même. Un exercice quoi ? Cathartique. Un exercice qui vous permet d'évacuer toutes vos émotions. Toutes. Que ce soit la colère, les larmes, ce que vous voulez. Et pour ça, on va utiliser les mots employés par François Fillon lui-même. Pour conjurer le mauvais sort. Avec tout le travail qu'on a fait ensemble pendant ces quatre après-midi, et grâce à cet exercice, on vous promet que l'année 2017 ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Je ne vais pas vous répondre sur ces sujets, c'est ma vie privée. Enfin, ça ne regarde personne. J'ai parfaitement le droit de me faire offrir un costume par un ami, c'est pas interdit. François Fillon s'est donc justifié ce matin. Hein, j'ai reçu pour 48 000 euros de costume, virgule. Et alors François Fillon s'est fait offrir 48 000 euros de costume. Et alors François Fillon s'est fait offrir des montres de luxe. Et alors Pénélope Fillon a touché 100 000 euros pour des fiches de lecture. Et alors Le 14 mars, les juges ouvrent une instruction pour détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et manquement aux obligations de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Et alors Le 15 mars, François Fillon est mis en examen. Et alors Le 22 mars, le Canard Enchaîné sort un nouvel article sur la société 2F Conseil. Et alors Le 28 mars, Pénélope est mise en examen. Et alors François Fillon s'est fait accueillir dans toute la France avec des casseroles, des œufs et des sifflets. Et alors Le 11 avril, à Marseille, le meeting de François Fillon est presque vide. Et alors Le 19 avril, le journal Le Monde refuse d'interviewer François Fillon parce qu'il ne veut pas parler des affaires. Et alors Le 23 avril, au premier tour de l'élection présidentielle, François Fillon est éliminé à 400 000 voix près. Et alors Avec 20,01% des voix, il est à peine devant Jean-Luc Mélenchon. Et alors Éric Woerth, Éric Woerth a dit « Ce n'est pas la droite et le centre qui ont perdu, c'est François Fillon. » Et alors Brice Hortefeux a dit « C'était une élection imperdable, elle s'est transformée en une élection ingagnable. » Et alors Et pour finir, François Fillon s'est fait tailler un costume et s'est pris une veste. Et alors Santé à tous. Bon, on a bien travaillé, on a mérité ce petit verre, je crois. Bon, désolé, il y a que du jus d'orange. Tout le monde en prend la route. Je vais plutôt me faire un whisky. Merci, tiens. Immunité parlementaire. Hop, c'est bien. Tac, voilà pour ça. Bonne santé. Oui, encore deux minutes d'attention, s'il vous plaît. On voulait finir ce séminaire sur un pot convivial plutôt que de faire un débrief classique où on demande à chacun ce qu'il en a pensé. Et tout le monde se sent obligé de répondre, c'était formidable. Voilà. En tout cas, pour Enguerrand et moi, c'était formidable. Il y a eu des petites tensions, bien sûr, c'est inévitable. Quelques larmes aussi. Mais on a tous super bien travaillé, je pense. Donc, bravo à tous. Voilà. Est-ce que vous voulez dire un petit mot ou aborder un point qu'on n'aurait pas eu le temps de traiter ? Ouais. Non, moi, je voulais simplement vous dire que j'étais un peu sceptique sur ce séminaire. Hein. J'ai pas toujours été très sympa, je crois. Bon, on se refait pas. Mais je dois dire que j'ai rencontré des gens très impliqués dans le parti, à l'écoute, intelligent. Donc, merci à tous. Merci à toi, Laurent. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose ? Comme tout le monde, je trouve que c'était super. Pour des Parisiens, vous êtes sympas. j'aurais bien aimé qu'on réfléchisse un peu d'où ont pu sortir les affaires sur Fillon. On a parlé de Dati, on a évoqué un cabinet noir, il y avait aussi la vieille affaire entre Fillon et Jouyet. Mais quelle affaire ? C'est un vieux dossier. C'est Jouyet qui était secrétaire général de l'Élysée sous Hollande. Il affirmait que Fillon avait demandé à ce qu'on accélère les procédures judiciaires contre Sarkozy. Mais Fillon a nié, évidemment. Non, franchement, j'y crois pas trop au complot contre Fillon. Dati, elle l'a dit clairement. Est-ce que c'est mon genre de faire des coups dans le dos ? Et le cabinet noir, c'est des conneries, ça. Je me permettrai une citation de Michel Rocard. Toujours préférer l'hypothèse de la connerie à celle du complot. La connerie est courante, le complot exige un esprit rare. Pour ma part, je voulais vous remercier pour ce séminaire qui m'a fait énormément de bien. Je repars très motivée pour les européennes et pour la suite. J'aurais juste aimé qu'on puisse parler du dernier meeting de François Fillon à Paris, le 9 avril, qui était un très beau moment. Justement, j'ai une anecdote sympa sur ce meeting. Copé, il faisait la gueule parce qu'on l'avait placé au dernier rang des officiels. Il a fait un scandale, il a menacé de se barrer. Stefanini a dû intervenir pour le faire asseoir juste à côté de la tribune de Fillon. Non. Même à bord du Titanic, les mecs veulent être sur la photo. Et moi, je voudrais juste dire que malgré tous ses défauts, je trouve que Fillon, elle a été très classe le soir de la défaite. Et notamment en appelant clairement à faire barrage au FN. C'est bien, hein. Moi, je peux pas dire que Macron, ça me réjouisse. Mais au moins, on a échappé au pire. Faut voir. Et toi, Steve, tu veux dire quelque chose ? Puisque tout le monde, finalement, s'est exprimé. Non, justement, je me disais, tout le monde s'exprime, tout le monde a beaucoup parlé dans cette affaire, beaucoup commenté. Enfin, tout le monde, sauf le principal intéressé. Il a rien dit. Il continue à se taire. Peut-être s'il avait parlé, on serait moins orphelin. Et on pourrait avancer. François Fillon a décliné l'invitation. Il ne veut plus parler des affaires, donc il estime qu'on ne peut plus l'interroger. Donc bon, il ne veut pas venir, il ne veut pas venir. Et pourtant, il y a quelques mois, il souhaitait absolument, absolument qu'on parle des affaires. Oui, mais c'était à l'époque de la primaire, quand on parlait de Nicolas Sarkozy. Là, il voulait qu'on parle des affaires. Aujourd'hui, terminé. Il n'en veut plus. Aire des chevreuils, 10 km. Je vais faire une pause, là. Je commence à m'endormir et j'ai envie de pisser. Épargne-nous les détails, merci. Tu pourras prendre le volant, je suis crevé, là. Je prendrai le relais quand on arrivera sur le périph', je sais que t'es pas super à l'aise avec la circulation. Merci. Sinon, c'était cool, ce séminaire, non ? Ouais, c'est assez incroyable. Et inespéré. Je crois même qu'on a réussi à établir une vraie confiance avec eux, et même entre eux, c'était pas gagné. Ils étaient sympas tous, finalement. Sympa, je sais pas si c'est le mot pour Laurent, mais... Mais Apida, elle est chouette, tu trouves pas ? Ouais. Pas conne, en plus. Ouais. Et très mignonne, non ? Elle m'a dit en aparté, pendant qu'on prenait l'apéro, que son couple battait un peu de l'aile depuis que son mec est passé chez les constructifs. Ah bon ? Et j'ai l'impression que tu lui as tapé dans l'œil. N'importe quoi. Elle t'a dit quoi ? Elle a dit un truc ? Non. Mais j'ai une surprise pour toi. Tu sais les petits papiers sur lesquels tu leur as demandé d'écrire ceux qui les avaient le plus traumatisés ? T'as pas fait ça. T'avais dit que tu les enterrerais toi, mais comme t'étais très occupé à ranger le matériel, qui est-ce qui est allé ? Hélène, non. T'as pas fait ça. C'était trop con de les enterrer sans les lire. Non mais c'est pas bien, non vraiment. On leur avait dit que c'était un secret entre eux et eux. Hein, ça fait partie du contrat de confiance. Ça va, on n'est pas chez Darty. Oh, t'es chiant avec ton côté boy scout. Et tu devrais me dire merci. Parce que grâce à moi, tu vas savoir qu'Afida... Quoi, Afida? Bah, comme elle pensait que tu leur lirais les petits papiers, elle t'a écrit un petit mot. Et il est où, le petit mot? Tada! Non, donne-moi ce papier. Donne-moi ce papier. Arrête! Regarde la route, on va finir par se foutre en l'air. Cher Enguerrand, merci pour ces 4 après-midi de séminaire. Peut-être nous reverrons-nous prochainement. Voilà déjà mon numéro, 06 20 54 49. C'est dégueulasse de faire ça. Oh, quelle ingratitude. Quand je pense que j'espérais être la marraine de vos enfants. Ta gueule. Vous allez nous faire plein de petits républicains. Ou des petits constructifs. Ta gueule. Bon, en tout cas, c'était super intéressant, leur petit papier. Une bonne idée que t'as eue. C'est dingue. Les 5, sans se concerter, quand on leur demande le moment vraiment le plus traumatisant de la campagne, les 5, ils ont écrit la même chose. Ils ont cité le même moment. Ah bon? Ils ont cité quoi? Moi, j'avais pas trop réfléchi, mais en fait, je suis d'accord avec eux. Ça a dû être le pire moment de la campagne pour Fillon. J'ai bien cru qu'il allait craquer. Mais quel moment? Franchement, face à lui, mais elle était excellente. Elle avait bien préparé son topo, elle était super forte. J'ai cru qu'il allait pleurer, vraiment. Ce qui est dommage, c'est qu'à un moment, elle a lâché. Elle s'est mise à improviser et à parler d'elle au lieu de parler de lui. Alors mais qui, mais quel moment? Et qui a été super forte? Bon, vous ne vous êtes pas retiré. Vous êtes là. Vous savez que si vous êtes élu, on aura un président en qui une large partie de la population n'aura pas confiance. Celui qui a une contravention se demandera pourquoi il doit aller absolument au tribunal de police. Si vous êtes élu, parce que en cas de Fillon-Le Pen, beaucoup s'abstiendront. Quand on a parlé de ces costumes qu'un ami vous a offerts, vous avez dit « et alors ?» Copé, il faisait la gueule parce qu'on l'avait placé au dernier rang des officiels. Il a fait un scandale, il a menacé de se barrer. Stéphanini a dû intervenir pour le faire asseoir juste à côté de la tribune de Fillon. Même à bord du Titanic, les mecs veulent être sur la photo. Et moi, je voudrais juste dire que Oui, c'est encore moi. Non, ne le dérangez pas. Dites simplement au président que la mission Canard au sang est terminée. Il aura mon rapport avant lundi et je viens de lui envoyer tous les enregistrements via la messagerie sécurisée. Ok. Merci. Veste de François Perrache. Épisode 4. Avec Émilie Chertier, François Perrache, David Sigicelli, Nicole Doguet, Ayam Zetoun, Elsa Bouchin, Michael Delis et Ariane Brousse. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset et Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Cédric Ossier. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh. Thomas, come as we all go. down we go. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Affaire sensible, la fiction, aujourd'hui la veste. Épisode 4, race campagne, sortie de route. Nos invités, Cédric Ossir, le réalisateur, et François Perrache, scénariste et acteur de cette fiction. Cédric Ossir, François Perrache, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous apporter votre éclairage sur cette folle aventure. Alors vous êtes tout d'abord, vous, François Perrache, comédien depuis 10 ans et dans une autre vie ingénieur. Vous avez également travaillé dans la communication politique. Vous avez passé 4 ans dans les services du Premier ministre de Jospin jusqu'à Villepin avant de vous occuper de la veille sur Internet à l'Élysée. C'est bien cela? C'est ça. À l'âge de 30 ans, vous avez décidé de tout arrêter, de vous lancer dans l'art dramatique. Bah, quelle belle idée. On y reviendra peut-être. Un jour, le réalisateur Cédric Ossir, qui est avec nous, donc, ici à ma gauche, vous a demandé, je le cite, vous me dites si c'est pas les vrais mots, hein. Ouais. Toi qui as bossé dans la politique, tu ne veux pas nous écrire une fiction? Vous confirmez? Je confirme. Bien. Je confirme aussi. Bien. Et ce sera 57 rue de Varennes pour France Culture. Alors vous, Cédric Ossir, vous êtes réalisateur, vous travaillez pour France Culture et France Inter. Oui, la preuve. Hein, et vous avez réalisé beaucoup de fictions en direct. Cette veste, notre fiction, était-elle particulière par son réalisme et son actualité? Car tous les faits dont on parle ont eu lieu, je le rappelle, il y a moins d'un an. Vous voulez répondre d'abord, François Perrache? La matière pour Affaires Sensibles, l'idée c'était de proposer un feuilleton politique. Et il se trouve qu'on avait un billard pour nous, qui était l'affaire Fillon, qui en elle-même était déjà un feuilleton. Donc la proposition est partie de celle-ci, effectivement, de partir, contrairement à ce qu'on fait sur Culture, de quelque chose qui est imaginaire, mais inspiré du réel. Là, on s'est bien sûr carrément inspiré du réel. Et l'idée, c'était de revenir sur ces faits en 4 épisodes, puisque c'est déjà en soi un feuilleton. D'ailleurs, on disait, Cédric Ossir, pendant cette campagne, je me souviens, on se disait, Borgen peut aller se rhabiller, même si c'est excellent, n'importe quelle série politique. Alors, on pourrait parler pour les Françaises de Baron Noir, de Marseille. Là, c'est encore plus audacieux. Enfin, c'était un truc complètement dingue. On aurait pu en faire d'emblée une série politique. On en a fait une fiction, ce qui est pas plus mal non plus. Vous aviez déjà ce sentiment-là pendant la campagne, qu'il se passait quelque chose de tout à fait particulier en termes scénaristiques? Ah, c'était une campagne très, enfin, c'était une année riche pour la fiction, parce que il y avait François Fillon, mais il y avait de l'autre côté Emmanuel Macron. Il y avait la partie Front National. C'est vrai que. J'ai le souvenir qu'on se disait tous pendant cette campagne que c'était quelque chose d'inédit, qu'on vivait, on avait l'impression de vivre quelque chose d'inédit, une campagne 21e siècle, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu ça, les choses allaient à une vitesse folle, chaque semaine avait son lot de rebondissements, que ce soit à droite, à gauche, et c'est vrai que d'un point de vue presque spectateur, c'était assez... Si c'est juste le spectacle politique, c'était assez réjouissant pour le spectateur. Après... Alors, oui, mais enfin, monter une fiction sur la défaite de François Fillon sans François Fillon, bah, c'était pas évident, c'était un sacré parti pris, hein, François Perrache. Ouais. Oui, ça a été dans les premières réunions de réflexion, c'était le parti pris assez immédiat de se dire, on voulait ne pas avoir François Fillon. Moi, c'était un goût un peu personnel. Il y a souvent des reconstitutions qui sont assez formidables avec des biopics ou des choses comme ça. Mmh. Je trouvais qu'à la radio, c'était un goût perso. J'avais pas envie d'avoir un comédien qui joue et imite François Fillon. Je voulais pas que l'auditeur se pose sans cesse la question de est-ce qu'il imite bien ou mal Fillon, etc. C'était pas le sujet. Et Cédric a apporté très vite l'idée d'un séminaire. C'est-à-dire, l'idée, c'était de dire on entendra Fillon, mais on l'entendra uniquement par le biais des archives. Ah, c'est vous l'idée du séminaire, hein, Cédric aussi. Hein. Bah, c'est souvent commun. C'est-à-dire qu'on réfléchit beaucoup en amont de la forme que ça peut prendre. C'est vrai qu'il nous fallait Fillon. C'est-à-dire qu'on avait besoin de l'entendre. Donc, le plus simple, c'était de se référer aux archives, parce qu'il avait eu, il a quand même eu de belles et grandes sorties. François Fillon pendant cette campagne. Et donc, il ne fallait pas les réinterpréter, il fallait juste les réentendre et il a fallu trouver l'astuce pour pouvoir les réintégrer dans un récit fictionnel. C'est-à-dire que là, il fallait partager en même temps que les personnages la même mémoire. On avait tous les mêmes souvenirs. C'est-à-dire qu'on est avec les personnages à égalité avec les auditeurs. C'est-à-dire qu'on a le même souvenir de la campagne. Ils ont juste un autre point de vue. Et c'est là où la fiction intervient et là où elle est pertinente, surtout sur le plume de François. François, vous êtes allé voir un peu comment fonctionnaient les gens des Républicains, le parti Les Républicains. Vous en connaissez? Vous avez puisé dans leur psychologie ou pas? Je ne dirais rien. Non, je suis pas allé voir des réunions des Républicains. J'ai même assisté à aucun meeting de ces gens-là. D'abord, j'ai beaucoup de copains de tous bords et dans tous les milieux et qui bossent encore pour des tas de gens. Donc, j'ai encore beaucoup de contacts. Et la source première d'inspiration, d'abord, elle est mon background, comme on dit en bon français, politique. J'ai travaillé avec des gens de tous les bords politiques. Donc, voilà, je sais aussi comment ils réfléchissent. J'ai cette culture-là aussi de la droite. Et politique générale. Et puis oui, voilà, la connaissance, un peu la manière de parler de ces gens-là, quoi. Mmh. Et puis énormément de presse, hein, grâce, voilà, beaucoup de presse, les ouvrages aussi, autour de la campagne, bien sûr. Le livre, par exemple, de Stefanini, le directeur de cabinet de campagne du candidat. Enfin, voilà, de la presse, beaucoup d'articles et de livres. Alors après, il fallait donner des formes radiophoniques et crédibles à tout cela, parce que une fiction, c'est pas notamment ce genre de fiction forcément un divertissement. Il y a une partie divertissement, complètement, après tout. Hein. C'est aussi du divertissement, absolument. Mais c'est ancré dans quelque chose de sérieux qui s'appelle la politique. Donc, il doit y avoir une crédibilité, et ça peut passer, et ça doit passer, entre autres, par le choix des comédiens. Le fameux casting, alors là, Cédric Aussire, je m'adresse à vous, puisque vous êtes le réalisateur, donc le casting, c'est aussi votre affaire. Hein. Comment vous les avez choisi, en fonction de quels critères? En partant d'abord des personnages qui sont des figures a priori archétypales, et après, au fur et à mesure où on progresse dans les épisodes, on voit que les personnages s'affinent et se nuancent et sont finalement un peu plus complexes que ce qu'on pense, mais on a besoin d'archétypes pour finalement fédérer beaucoup de courants, de pensées au sein de cette droite qui est finalement assez plurielle. Et le choix des comédiens s'est fait, comme souvent, quand je dois distribuer pour des fictions, j'essaie de trouver un point de correspondance, de près ou loin, parfois à contre-emploi, de tempérament commun entre ce que je pense amener soit d'une énergie d'un comédien, soit d'un timbre de voix. Donc c'est un savant mélange de mariage de voix, d'équilibre et de... Mais plutôt j'ai l'impression de tempérament. J'ai plutôt envie de... J'ai plutôt tendance à choisir les comédiens comme ça. La question de l'âge, qui intervient très souvent quand il s'agit de faire un casting, il doit avoir l'âge du rôle pour être crédible. Là, on est en radio. Alors, c'est vrai qu'en radio, j'ai tendance à dire, moi, que tout se voit en radio. C'est vrai. Par la voix, ouais, tout se voit, y compris peut-être aussi les âges, parce que la voix change en fonction de l'âge. Mais enfin, comment vous avez, à ce niveau-là, au niveau de la pyramide des âges, comment vous vous êtes débrouillé de tout ça? C'était pas un critère? C'était si, parce qu'il fallait un équilibre aussi. C'est vrai, en parlant avec François, souvent je redemande, je l'interroge en fait sur ses personnages, je le questionne comme je pourrais, voilà, comme qui est-ce, qu'est-ce qui, voilà, et ça me permet d'avoir de piocher quelques éléments de réponse pour pouvoir après aller dans certaines directions. J'avais envie de cette diversité, en tout cas, de voix et d'âge, et c'est vrai que là-dessus, je crois qu'on a un équilibre assez intéressant. Qu'en pense François Perrache, justement? Moi, j'ai eu ma modeste part d'auteur là-dedans. Il y a dans le choix des comédiens pour Cédric, il y a des sources d'inspiration que j'avais moi en écrivant, en pensant à certaines voix, pas forcément des comédiens précis, mais des types de voix. Mm-hmm. Et puis on fait un travail particulier, souvent avec Cédric en l'occurrence aussi sur les autres séries, mais d'écriture vraiment au niveau des dialogues. C'est peut-être imperceptible et inconscient pour l'éditeur, mais tant mieux. Mais chaque personnage a un niveau de langue, un type de vocabulaire, des structures verbales, des tics verbaux qui leur sont propres. Par exemple, j'ai un personnage qui ne dira jamais Sarko, mais toujours Nicolas Sarkozy. Mm-hmm. Enfin, des choses très précises et il y a comme ça des critères. Et en fait, le type de niveau social, le type de langue, le type d'âge aussi peut ressortir dans l'écriture elle-même. Donc c'est pour ça qu'après certains comédiens peuvent jouer n'importe quel personnage, mais dans l'écriture, on essaye d'injecter des éléments, on va dire sociologiques, invisibles pour l'auditeur. C'est vrai qu'aussi, il y a peut-être un moment où il y a des choses qu'on a envie de faire et qu'on peut pas faire. Il y a le faisable et ce qui ne l'est pas. Comment vous avez négocier cette étape-là, ou alors est-ce qu'avec la matière que vous aviez, c'est-à-dire le texte, l'idée et les acteurs, on pouvait tout faire? Je pense qu'on peut faire beaucoup, beaucoup à la radio. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à placer ces défis comme des challenges et de vouloir y aller. Non, là, tout était suffisamment et très très bien établi, très bien écrit, très en place. Après, a fallu. C'était la forme première dans quelle direction on se lançait pour voir si le cadre était possible. Après, le référent c'était les sons d'archives, mais finalement l'auditeur a ses propres images parce que la campagne qui défile, on a ces images du Trocadéro, on a ces images de Fillon au JT de TF1 se morfondant. Mais voilà, c'est des. La grande chance qu'on a quand on joue avec des éléments de matière réelle, c'est que bah, finalement on joue avec l'inconscient collectif aussi, et donc on n'a pas besoin de retravailler ces images. Elles sont là, elles font partie de... c'est presque un patrimoine, et donc on joue avec. François Perrache, vous connaissez, c'est pas la première fois que vous entendez l'un de vos textes dit jouer dans son oralité, avec l'oralité de l'auteur dans son écriture et l'oralité des comédiens, est-ce que ça donne? C'était quoi votre sentiment quand vous avez entendu ce que vous avez écrit? Alors effectivement, c'était pas la première fois. Moi, je me souviens de ma première expérience pour 57 rue de Varennes, où c'est évidemment très troublant d'entendre le texte qu'on a écrit. Ici, il y avait une couche supplémentaire qui était qu'il se trouve que j'étais aussi comédien. Donc j'étais à l'intérieur de la fiction, donc ça faisait beaucoup de choses en même temps. Non, mais c'est très agréable. Je crois qu'on est un certain nombre d'auteurs, notamment en radio, à avoir aussi une expérience de comédien. Elle n'est pas indispensable du tout, hein, mais je pense qu'elle apporte quelque chose. C'est-à-dire que mon texte, bon, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais ce qui est sûr, c'est que j'écris avec les oreilles, comme dit Novarina, donc, ou le gueuloir de Flaubert, mais en tout cas, le texte qui sort, il doit être très oral dès le départ, dans l'écriture. Donc moi, j'écris debout, concrètement, j'écris debout, et j'écris à voix haute. Et donc, au moins, on est à peu près sûr que le texte est à peu près discible quand il arrive. Et donc, la grande chance, mais c'est pour ça qu'on est en phase avec Cédric, c'est que, en fait, j'ai très peu de surprises au moment de l'enregistrement. C'est-à-dire que ça sonne exactement comme on pouvait l'espérer. Plus la merveille de la couleur du comédien, ça c'est le choix du casting. Mais en tout cas, c'est très conforme à ce qu'on avait dans l'oreille, et c'est assez merveilleux. François Perrache, Cédric Ossir, on ne se quitte pas, ne quittez pas. On se retrouve dans 3 minutes, d'écouter un peu de musique, et on va continuer à entrer dans les coulisses de la création radiophonique et de l'art dramatique, et en fait de la rencontre de la radio, du son et de l'art dramatique, donc du jeu. Et ça, c'est assez magique. Et la rend. je suis parée. Où j'en ai rien à carrer. Où tout me laisse indifférent. Même tes emmerdements. Je m'en fous complètement. Bien, François Perrache, dans une interview, vous insistez sur le fait que ce feuilleton, c'est vous qui dites ça, hein, ne psychanalyse pas François Fillon, c'est vous qui l'avez dit. Oui, mais tout de même, la perception de Fillon, son rapport à la vérité, le mensonge, le déni, si c'est pas psy, qu'est-ce que c'est? Oui, ça a été une discussion aussi avec Cédric, cette proposition de faire rentrer un personnage de psychanalyste. Ah ouais. En fait, dans le cadre de la préparation, vous me demandiez tout à l'heure, j'ai lu beaucoup de presse, bien sûr, des livres, et comme on est sur France Inter et qu'on a le temps de creuser les choses en quatre épisodes, moi je voulais interroger deux personnes qui m'intéressaient beaucoup, un sociologue, Christian Morel, qui a travaillé sur les décisions absurdes, qui me semblait s'appliquer à la question collective de cet échec, qu'on développe dans l'épisode 4, et puis j'ai un copain, un psychanalyste, et je lui ai dit, Fillon, ça t'évoque quoi? Et on a fait 3-4 heures d'entretien et qu'on a compacté, résumé dans la bouche d'un personnage, un psychanalyste qui est interprété par Monsieur Broche, qui est formidable. Olivier Broche. Ancien des chiens. Absolument. Donc qui est vraiment formidable dans ce rôle. Formidable de toute façon. Et l'idée c'était vraiment de creuser cette dimension à niveau collectif, qui dépasse François Fillon personnellement, donc qu'on connaît pas, qu'on peut pas psychanalyser, mais il y a effectivement tout un rapport à la vérité dans cette campagne qui a été assez extraordinaire et qui est de l'ordre de la psychanalyse collective un petit peu. Ouais. Au passage, Olivier Broche a joué il y a un ou deux ans dans une pièce de théâtre qui parlait de François Mitterrand. Il était absolument formidable. Oui, il la tourne encore. Mitterrand et moi. Exactement. Ah, c'est formidable. Quelle chance hein, d'avoir des gens comme Olivier Broche dans des fictions chez nous, dans Affaires Sensibles sur France Inter. Super. Cédric aussi, c'était quoi les moments forts pour vous et d'ailleurs, François Perrache, pas que dans l'écriture, mais au moment où on a commencé à enregistrer, où l'aventure a pris les formes radiophoniques qu'elle devait prendre. C'était quoi les grands moments pour vous, si vous deviez... partout, les souvenirs sont récents, hein. Cédric aussi. Il y a toujours une phase d'excitation et ouais, d'effervescence au moment des enregistrements, au moment où ça se construit, mais c'est vrai que l'étape de la fabrication, tout ce qui précède, de dire ouais, c'est dans cette direction-là quand on parle en amont avec François, là, c'est déjà là que ça commence, cette excitation de se dire bon, vivement, on a hâte d'y être, et c'est vrai qu'on avait hâte de tourner. Chaque étape, en fait, de fabrication a son lot de réjouissance et de réécriture, de recomposition, c'est toujours le pour moi, le travail avec les comédiens, non, vraiment la matière première quand on construit les choses, quand elles s'incarnent, quand on insuffle de la vie, parce que après, avant c'est du papier, après c'est de la matière numérique, parce qu'on monte. Donc c'est cette phase-là qui est peut-être la plus excitante, parce que c'est vrai que c'est le travail avec les comédiens, c'est l'échange, c'est le moment où on se heurte au réel, où on confronte le texte à la réalité de ce qui doit être entendu. Ouais, je pense que c'est à cet endroit-là, parce que les choses sont pas totalement définitives aussi. On sait qu'on a le montage, qu'on a un travail de mixage derrière, donc c'est vrai qu'on est dans un endroit un peu central et qui permet encore de se projeter et qui est au moment où c'est l'étape décisive. On ne pourra pas revenir en arrière. François Perrache, les grands moments pour vous, les moments qui ont été forts dans cette aventure-là. Je rappelle quand même un 4 fictions, 4 fois 1 heure, ça fait 4 heures. C'est un joli programme radio. Hein. 4 fois une demi-heure, oui. 4 fois une demi-heure, bien joué. Moi, je raisonne en termes de tranches d'une heure, de 15 heures à 16 heures, parce que dans la fiction, il y a effectivement la fiction, ce qui vous concerne. Mais il y a ce que nous faisons en ce moment qui apporte un éclairage, qui est important. Puis il y a le texte d'introduction qui est important également. Donc tout ça nous fait un cadeau d'une heure. Mais le bonbon au milieu, une demi-heure, c'est vous. Alors allons-y sur cette demi-heure-là, d'accord. Non, pardon. Il y a eu un plaisir premier, moi, une espèce de mèche lente qui a été le travail de préparation, qui a été des des semaines de travail, de lecture, de reconstituer la chronologie. Je suis pas journaliste, hein, je n'ai pas cette prétention, mais il y a eu un vrai travail de lecture et de hiérarchisation, de choisir les sujets, les bonnes interviews, les archives, etc. Il y a eu le plaisir de court terme très immédiat des enregistrements, avec la sensation presque immédiate que le groupe qu'avait constitué Cédric marchait, je crois, très bien. C'est-à-dire que ça se parlait vraiment, ça se comprenait vraiment, le tempo a presque tout de suite été trouvé. Mmh. Je pense sous le contrôle de Cédric. Et puis, je dirais peut-être un troisième temps par rapport à votre question sur le plaisir. Ça a été la réécoute totale. D'abord, la découverte du travail de Cédric de réalisation, les choix de musique, le rythme, etc. Il y a plein de choses qui sont propres à la réalisation. Et pour ma part, j'espère les auditeurs aussi, mais la stupéfaction de réentendre factuellement cette année de campagne. Juste de réentendre ce qui s'est passé pendant cette année de campagne. Et de dire, c'est quand même dingue ce qui s'est passé, quoi. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette fiction, et je crois qu'on entend au moins les événements. Cédric aussi, on se dit effectivement que ça s'est passé il y a seulement un an, donc c'est plus que de l'histoire contemporaine, c'est plus tout à fait de l'actualité, bon, on n'est pas loin, et en même temps ça nous paraît également loin, c'est ça ce regard rétrospectif sur des événements qu'on a vécu, dont on a pris la dimension, enfin la dimension dramatique, incroyable, surréaliste de cette campagne, elle a échappé à personne au moment où la campagne se déroulait, mais parfois, je trouve d'ailleurs qu'elle est plus forte un an après. Vous avez ce sentiment-là, un an après, se dire, quand même on a vécu un truc dingue, quoi. Ah oui, parce que la mémoire, du coup, ne conserve que... Et la vertu de la fiction, c'est qu'elle ramène à la mémoire des choses qui ont pu être oubliées. Donc c'est vrai que tout ce qui est rapporté dans la fiction sont des faits qui ont existé, tout ce qui a été dit, ce sont des véritables verbatim, donc ça a vraiment été prononcé. Et donc là, le fait de se focaliser sur François Fillon, parce que dans une campagne, on ne se focalise pas que sur un candidat, évidemment il y en a un autre qui peut cacher l'autre, là le fait de se focaliser sur François Fillon, c'est vrai, et de condenser, c'est presque le travail de l'imaginaire et du rêve, la condensation et la compression de tous ces éléments de façon chronologique en quatre étapes fait que effectivement on peut arriver à cette stupéfaction de se dire mais c'est là où on se dit on l'aurait écrit il y a un an, personne n'y aurait cru. Et on retombe sur nos pieds en disant que la réalité est parfois plus audacieuse que la fiction. Souvent. Sauf quand la fiction est bien faite, comme ce que vous avez fait. Messieurs, j'en profite pour vous remercier. Donc François Perrache, auteur, et Cédric Aussire, réalisateur de ces quatre fictions intitulées. Alors moi j'aime beaucoup le titre. Je peux le dire, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Donc je trouve excellent. Le titre formidable. Excellent. On décortique, même si on a compris, on décortique le titre. Allez, la veste, formidable. Un flash, au cours d'heures de réflexion, j'ai proposé plein de titres, et celui-ci m'a particulièrement plu pour sa concision, ce que disait Cédric, le subliminal que ça évoque. Ouais. Voilà. Se prendre une veste, se faire tailler une veste. Et puis les costumes. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Les costumes. On l'explicite à la fin de l'épisode 4. Bien joué. Bah oui, on vient d'entendre. Merci messieurs, et bravo encore. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction, aujourd'hui La Veste, quatrième épisode, Race Campagne, Sortie de Route, une fiction écrite par François Perrache, réalisée par Cédric Aussire et Anne Yoro, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Nicolas Slimani et Basile Bocquer.